إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل دراستنا في كتاب التوحيد للإمام البخاري رحمه الله تعالى، سائلين الله المولى أن ينفعنا بهذا العلم، وأن يبارك في هذه الدراسة، أن يبارك في أوقاتنا وفي علمنا وفي هذه الدراسة، كما نسأله جل وعلا أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وبعد، وقد وصلنا إلى قول الشارح الشيخ محمد بن صالح العثيمين لما شرح قول النبي صلى الله عليه وسلم: إليك حكمت، قال يعني حكومتي تنتهي إليك، لا أحاكم إلى غيرك، فشرعك هو الحكم، فأنا أحاكم إليك ولا أتعدى حكمك، وهذا تفويض تام لله كونا وقدرا. وكل هذه الكلمات والجمل التي تتضمن هذا الثناء العظيم على الله كلها وسيلة لما سيأتي. Donc on va continuer inshallah sur l'explication du livre de l'unicité de l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Donc on va continuer où on s'est arrêté lorsque l'auteur du commentaire, Cheikh Mohammed ibn Saleh al-Uthaymin, a commenté l'invocation du prophète sallam. Et donc dans la dernière allocution, on avait appris le sens lorsque le prophète sallam a dit « Wa ilayka anabt, wa ilayka anabt ». Le prophète sallam ici fait référence à cette adoration qui s'appelle l'inaba, l'inabatu. Et donc on avait expliqué le sens dans la dernière assise. « Wa huwa ma'na ar-ruju', kama qulna ». Ensuite le prophète sallam a dit « Wa bika khasamt ». Et on avait expliqué le sens de cela. خاصمت كل من يخاصمني فيك. خاصمت كل من يخاصمني فيك. كل من يخاصمني فيك. Pour toi, je ne fais adversaire. On avait expliqué le sens de cela jusqu'à ce que on est arrivé lorsque le prophète sallam dit ensuite وإليك حكمت. وإليك حكمت. Et on avait expliqué le sens de cela. Et on avait terminé, donc ensuite, lorsque Cheikh Al-Uthaymin dit que dans toute cette invocation du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ses louanges, ses éloges, cette demande, hein, ces demandes du prophète, sallam, tout cela, c'est pour arriver à un but précis, qu'il dit, c'est ce qui va venir, c'est lorsque le prophète, sallam, dit, « Faghfir li, au Seigneur, pardonne-moi. » Donc il dit que le prophète, sallam, a fait les louanges d'Allah, a invoqué Allah Jalla wa Ala de cette manière, en lui faisant les éloges. Et donc cette invocation-là, cette manière-là, qu'a utilisé, qu'a employé le prophète, sallam, le shir ensuite nous dit, l'auteur du commentaire nous dit, cela, ces phrases-là qu'on a vues, ces mots et ces phrases choisies par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, renfermant une immense éloge de son Seigneur, était un moyen pour parvenir à son but qui était de demander le pardon. Donc il dit, tout cela, ces mots, ces phrases, ces éloges, ces louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour arriver à lui demander pardon. Donc regardez, le prophète, salam, c'est comme si qu'il a introduit cette demande de pardon par ses belles éloges, par ses louanges, par ses belles paroles, par ces phrases-là. Donc le prophète, salam, ensuite dit, Farfir li, au Seigneur, pardonne-moi. Au Seigneur, pardonne-moi. Et ici, l'auteur du commentaire va faire une précision subtile liée à la langue arabe, hein, au sens de la langue arabe, avec cette particule que vous voyez au départ lorsque il est dit farfir li, pardonne-moi. Donc il y a la lettre fa. Il y a la lettre fa. Donc le verbe est débuté par cette lettre, le fa. Donc il dit cette lettre fa ici, son emploi, son utilisation dénote al-fasiha. Il dit premièrement, ça peut dénoter al-fasiha, l'éloquence. Premièrement. Et il dit, il est permis dans la langue arabe aussi que le fa utilisé et employé ici soit utilisé lis-sababiyya, pour le caractère causal, si vous voulez, pour la cause. Ay, fabi-sababi dhalik, irfir li, par exemple. C'est-à-dire, pour cause de cela, au Seigneur, pardonne-moi. Donc vous avez vu, le fa peut avoir, et ça c'est une précision liée à la linguistique arabe, le fait peut avoir le sens de al-fasiha, l'éloquence, ou bien il peut venir dans et dénoter ce qu'on appelle as-sababiyya, la cause. As-sababiyya, c'est-à-dire la cause de ce qui a précédé. Ensuite, c'est la demande de pardon. Donc le prophète, en salam, ensuite, implore l'absolution de ses fautes. Et ce qu'on appelle al-maghfira. Pourquoi? Parce que lorsqu'on dit Allahumma ghfirli, par exemple, au Seigneur pardonne-moi, donc c'est une demande de ce qu'on appelle al-maghfira en arabe. Al-maghfira, c'est la demande de pardon, si vous voulez. Et quel est le sens véritable de al-maghfira? Ou plutôt, que renferme véritablement al-maghfira? Lorsqu'on dit al-maghfira, donc on l'a dit, hein, c'est la demande de pardon. C'est l'imploration, hein, le fait de demander l'absolution de nos fautes. Al-Maghfira renferme réellement et véritablement quelque chose d'important et des notions importantes que va souligner ici et préciser l'auteur du commentaire. Donc, Charles Al-Thaymin nous dit, Al-Maghfira, véritablement, en réalité, qu'est-ce qu'elle renferme? Premièrement, Satr al-Dhanb. Deuxièmement, At-tajawuz an. Premièrement, le pardon. Qu'est-ce que sous-entend et renferme le pardon? Premièrement, le pardon, c'est le fait que déjà cette faute et ce péché soient dissimulés et cachés. Et dans un second temps, la deuxième chose que renferme Al-Maghfirah, le fait de passer outre la punition qui résulte du péché. Donc le fait qu'Allah Jalla pardonne, donc il y a dans ce pardon-là, ce qu'on appelle al-maghfiratu, al-maghfira. Dans le maghfira, il y a la dissimulation, hein, comme on l'a dit précédemment, de la faute et du péché, mais aussi cela renferme le fait d'éviter la faute ou la punition, le châtiment qui résulte de ce péché. Donc aussi bien dans le maghfirah, il y a la dissimulation de la faute et du péché, comme le fait d'éviter de passer outre la punition ou le châtiment qui résulte de ce péché. Vous avez vu, al-maghfirah ne sous-entend pas seulement la dissimulation de la faute ou la dissimulation du péché, qu'il soit caché. Ça ne sous-entend pas cela seulement, comme il dit, laysat as-satr faqat wa dalilu dhalika annaha mushtaqqatun min al-maghfar. Et il dit la preuve à cela, que le maghfira comprend et renferme aussi bien cela et cela, comme on l'a évoqué précédemment. Il va évoquer la preuve concernant le dérivé du terme. C'est-à-dire que le terme al-maghfira dérive de al-mighfar en arabe. Donc, linguistiquement parlant, le terme en arabe al-maghfiratu, qu'on pourrait traduire par le pardon, il dérive du terme al-mighfar en arabe. Et qu'est-ce que al-mighfar ? L'auteur du commentaire dit huwa ma yulbas ala ra'si athna al-qital li himayat الرأس من السهام والمغفر يحصل به ستر ووقاية فإذا سألت ربك مغفرة الذنوب فأنت تسأله لأمرين الستر والتجاوز عن عقوبة هذا الذنب. Et là c'est très pertinent ce que dit l'auteur du commentaire. Il dit donc le terme al-mighfar, c'est une sorte de casque, c'est ce qui protège la tête. Lorsqu'une personne, par exemple, un cavalier est au combat, alors il protège sa tête. Il protège sa tête. Ce avec quoi il va le protéger, sa tête, ça s'appelle en arabe al-mighfar. Donc à l'époque, les guerriers, les cavaliers, donc se protégeaient la tête à l'aide d'un mighfar. Et cela, athna al-qital. Et donc, ils recherchaient la protection de leur tête contre les flèches. Donc, pour se protéger des flèches, donc ils portaient quelque chose sur leur tête. Et cette chose-là s'appelle al-mighfar. Et ça, ça les protégeait. Ça protégeait leur tête des flèches. Al-mighfar yahsulu bihi satrun wa wiqaya. Et de ce fait, avec ce mighfar, ce qu'ils mettaient sur leur tête pour se protéger des flèches, on voit bien qu'on peut obtenir aussi bien la dissimulation que la protection. C'est pour cela qu'en arabe, il dit aussi bien avec al-mighfar, on a l'obtention de ce qu'on appelle satr. Satr, c'est ça la dissimulation. Satrun wa wiqaya. Wa wiqaya, c'est la protection. Fa'idha sa'alta rabbaka maghfirat adh-dhunub. C'est pour cela qu'ensuite l'auteur du commentaire nous dit si donc tu demandes à ton Seigneur, tu lui implores ce qu'on appelle en arabe « maghfirat adh-dhunub », elle maghfira le pardon de tes péchés. Cela donc sous-entend et nécessite deux choses. Deux choses à travers cette demande. Aussi bien « as-satr », aussi bien la dissimulation, comme « at-tajawuz ».« Tajawuz an uqubati hadha adh-dhanb ».« Tajawuz an uqubati hadha adh-dhanb ». Que la personne soit épargnée de cette punition ou cette sentence qui résulte de ce péché. Et ça, c'est des sens qui sont vraiment énormes, du fait que lorsqu'on demande maghfirat adh-dhunub, lorsqu'on implore Allah al-maghfira, qui est le pardon, eh ben cette demande-là sous-entend ces deux points-là, aussi bien as-satr, la dissimulation du péché, comme le fait d'éviter et d'être épargné de la punition et du châtiment qui résulte de ce péché. Voilà en ce qui concerne le sens al-maghfira. Donc lorsqu'on dit Allahumma inni as'aluka maghfirat adh-dhunub, donc on peut implorer Allah de cette manière en lui demandant al-maghfira, au Seigneur, je te demande maghfirat adh-dhunub, la maghfira de mes péchés. Lorsqu'on a compris le sens de al-maghfira, comme on l'a détaillé dans ce qui a précédé à travers l'explication de l'auteur du commentaire, donc là on peut se rendre compte de ce que sous-entend et dénote cette demande. Au Seigneur, je te demande maghfirat adh-dhunub. Je te demande le pardon de mes péchés. Ça sous-entend les choses qu'on a mentionnées précédemment dans l'explication du terme. Donc ça, c'est important. Pour ça, l'auteur du commentaire, Shaykh Al-Uthaymeen, rahimahullah, a bien insisté sur ça. Ensuite, donc, le prophète, sallam, lorsqu'il a demandé le pardon d'Allah, jalla wa'ala, de cette manière, en lui disant farfirli, pardonne-moi. Le prophète en samedi, ma qaddamt wa ma akhart wa ma asrart wa a'lant. Et donc le prophète en salam a dit pardonne-moi ce qui était antérieur, ce qui a précédé, les fautes passées, wa akhart à venir, wa asrart faites de manière secrète, wa a'lant de manière publique. Donc, vous avez le prophète a mentionné quatre choses ici. Le pardon des péchés, des fautes commises ultérieurement, ou antérieurement plutôt, dans le passé, à venir, caché et en public. Vous avez vu quatre choses. Et on voit que le prophète Ansem a précédé cela de cette particule ma, le ma ici. Et là, l'auteur du commentaire va faire cette analyse pour bien comprendre la phrase ici, l'invocation du prophète Ansem, avec la langue arabe. Donc cette particule ma sous-entend ici là, une sorte de connexion, le fait de relier, le fait de relier. Donc on l'utilise ici pour relier, si vous voulez, ce qui va suivre. وَمَا فِي قَوْلِهِ هُنَا مَا قَدَّمْتْ مَوْصُولًا. C'est pour ça que le ma dans la langue arabe, dans la grammaire arabe, hein, lorsqu'on analyse d'une manière grammaticale cette phrase, alors le ma, il est mawsoul. Et donc, le ma mawsoul en arabe, c'est pour relier. C'est pour qu'il y ait une sorte de connexion. وَكَذَلِكَ avec ce qui va suivre. وَكَذَلِكَ فِي قَوْلِهِ وَمَا أَخَّرْتْ. Et là, Cheikh Ibn Uthaymeen, l'auteur du commentaire, insiste bien sur ce ma, sur cette particule-là. Pourquoi? Parce que le prophète sallam l'a évoqué avant qaddamt et aussi avant akhart. Donc avant les deux premiers termes. Donc on a dit qu'il y a quatre termes. Passé, futur, caché, en public. Il y a quatre termes. Et donc le prophète sallam, dans ce dua, le ma mawsoul, et répéter pour les deux premiers, pour les fautes passées et les fautes à venir. Ensuite, pour ce qui est caché et en public, pour les deux derniers termes, le prophète Hassan a utilisé le waouh. Le waouh. Ici, le waouh sous-entend la coordination. C'est l'équivalent en français de la coordination. C'est pour ça que ce qui suit ensuite après le waouh, le fait que le waouh sous-entend la coordination, c'est pour cela que, en français, c'est l'équivalent de ce qu'on appelle la conjonction de coordination. Ce qui va suivre ensuite, c'est le coordonné. Et donc, ma'touf ala al-sila, wa al-ma'touf ala al-silati yaqtadi an yakuna ma'toufan ala al-mawsouli aydan. Ala aydan. Et donc, ce qu'il faut retenir de cela, l'auteur du commentaire a fait cette analyse grammaticale pour qu'on puisse bien comprendre l'invocation du prophète, sallam. Et donc, on comprend après cette analyse-là, tout simplement ce qu'il faut retenir, c'est que le sens de cette invocation, l'auteur du commentaire, après qu'il ait donné cette analyse grammaticale, hein, linguistiquement, hein, parlant, alors il dit donc le sens, tout simplement, de l'invocation du prophète, c'est que le prophète a demandé, a imploré Allah, Jalla wa Ala, an yaghfira lahu ma qaddama wa akhar, wa asar, wa a'lan. وفي هذه الجمل بسط ظاهر فيها بسط لأنه يغني عنها أن يقول اغفر لي ذنبي لأن كلمة ذنب مفرد مضاف فيشمل كل الذنوب ما أسر وأعلن وقدم وأخر لكن مقام الدعاء يقتضي البسط وذلك لأمور. Alors, tout simplement, ce qu'il faut retenir, c'est que dans cette invocation, le prophète sallam a imploré Allah subhanahu wa ta'ala de lui pardonner ses fautes, aussi bien antérieures, hein, passées, que futures, que cachées, que apparentes, c'est-à-dire cette faite en public. Et donc, l'auteur du commentaire souligne bien, il dit, regardez, dans cette phrase, dans cette demande de pardon du prophète sallam, on ressent bien ici que le prophète, vraiment, s'est approfondi. Vraiment, il demande le pardon en vraiment s'approfondissant, en insistant, en d'autres termes, en s'étalant. En s'étalant et en allongeant l'invocation. C'est ça le sens de Al-Bast ici. Le fait que le prophète, s'est vraiment étalé, a vraiment allonger la demande, il s'est étendu dans cela, et ça faisait partie de son éloquence. Pourquoi? Parce que l'auteur du commentaire nous dit, le prophète, il aurait pu se contenter de dire, au Seigneur, pardonne-moi mon péché. Au Seigneur, pardonne-moi mon péché. Dhanbi. Dhanb, c'est le péché, c'est la faute. Li'anna kalimat dhanb, mufrad, mudaf. Dhanb, mufrad, mudaf. Et pourquoi? Parce que dans la langue arabe, Lorsque, par exemple, on dit au Seigneur, pardonne-moi mon péché, le fait que le terme péché est mentionné au singulier, et il sera donc annexé, Zenbi, mon péché, il y aura une sorte d'annexion ici. Alors, Zenbi ici va sous-entendre, va comprendre tous les péchés. Tous les péchés. Il va sous-entendre ici le pluriel. Et ça, ça fait partie des richesses de la langue arabe, la richesse de la langue arabe. Et ça fait partie des sens et de l'éloquence de la langue arabe, de bien comprendre ces sens subtils. Donc si, par exemple, on utilise le singulier lorsqu'il y a une sorte d'annexion, lorsqu'on dit « dhanbi »,« dhanbi », ça englobe en réalité « kulla dhunub », comme l'explique bien l'auteur du commentaire. « Fayashmal kulla dhunub ». لماذا لأن كلمة ذنب مفرد مضاف. Et donc ça va comprendre aussi bien, si on dit que ça comprend tous les péchés, donc ça comprend aussi bien les péchés cachés comme faits en public, comme les péchés passés et les péchés futurs. Donc lorsque par exemple vous dites au Seigneur pardonne-moi, Allahumma ghfir li dhanbi, par exemple, لأن كلمة ذنب مفرد مضاف يشمل كل الذنوب, s'englobe tous les péchés, qu'ils soient cachés, qu'ils soient faits de manière apparente, en public, qu'ils soient futurs, qu'ils soient passés. لكن مقام الدعاء, mais lui, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a élargi, s'est étendu, comme on a dit précédemment. Le prophète s'est approfondi dans sa demande, dans cette invocation, dans sa demande de pardon, dans son imploration. Donc le prophète en salam a fait preuve d'éloquence dans sa demande. Pourquoi? Et c'est l'auteur du commentaire, Charles Athémine, va nous mentionner les raisons. Pourquoi? Parce qu'on est dans un contexte d'invocation. Et il dit, lorsque on est dans un contexte d'invocation, donc les circonstances demandent donc de s'étaler. On peut s'étaler et allonger, s'approfondir dans la demande. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il dit « Nahnu fi maqam ad-du'a » parce qu'on est dans un contexte de du'a, et il dit « Dans ce cas-là, il faut et il est bon de s'élargir, d'allonger et d'étaler. Pourquoi ?» Premièrement, « Awwalan » il dit, parmi les raisons, notez bien cela, il dit « At-taladhdhud bimunajat »« At-taladhdhud bimunajat illahi azza wa jal » لأن كل واحد منا لو كان له صديق محبوب إلي يحب أن يبسط ويكثر معه القول تجده إذا جلس إلى صديقه الذي يحبه وقام يتحدثان تمضي الساعات الطويلة كأنها دقائق حتى إن بعض الأصدقاء يشيع صديقه إلى بيته والتشيع يعني يمشي معه إلى البيت يتحدثان ويمشيان رويدا رويدا فإذا وصل إلى بيت قلب فشيعه الآخر وهكذا دويلك ربما يطلع الفجر إن كان في الليل وهما على هذا الحال وهذا أمر مشاهد معروف أن الإنسان يحب أن يبسط القول مع من يحب. Et là, c'est très pertinent, ce premier point. Donc, regardez, là, dans l'explication, l'auteur du commentaire, Shalal Thaymin, Arrahimallah, qu'Allah lui accorde sa miséricorde, il va nous mentionner les raisons pourquoi que lorsque on invoque Allah, subhanahu wa ta'ala, lorsqu'on est dans un contexte de dua, d'invocation, donc il est bon de s'approfondir, de s'étaler, il est bon de détailler. Premièrement, le shir dit, c'est ce qu'on appelle en arabe « taladhdhud ». C'est-à-dire celui qui invoque, donc il est en adoration. Et cette adoration n'est pas n'importe quelle adoration. Et il dit, c'est ce qu'on appelle le munaja. Lorsqu'on invoque Allah, surtout dans des circonstances pareilles, la personne se lève la nuit pour prier. Donc lorsqu'il se lève, il invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, le munaja, ce que mentionne ici de manière bien précise l'auteur du commentaire, Shamla Thaymin, lorsqu'il dit le munaja c'est une sorte de conversation confidentielle. C'est la relation que le serviteur a avec son Seigneur. Donc lorsqu'on invoque Allah Jalla wa'ala, lorsqu'on le prie, il y a une sorte de al-munaja. C'est ce qu'on appelle en arabe al-munaja. c'est ce lien qu'il y a entre le serviteur et son seigneur. Et le munajja, ça dénote ici une sorte de conversation confidentielle entre le seigneur. Donc c'est le rapport qu'a le serviteur avec son seigneur, subhanallah. C'est ce lien qu'il y a entre le serviteur et son créateur, son adoré, subhanahu wa ta'ala. Donc dans cette sorte de conversation confidentielle qu'il y a entre le serviteur et son seigneur, il y a ce qu'on appelle at-taladhdhud. Donc le serviteur, lorsqu'il invoque Allah subhanahu wa ta'ala de cette manière, alors il y a yataladhdhud. Il va ressentir une sorte de plaisir. Une sorte de plaisir. Et c'est pour ça que lorsque les croyants goûtent à la douceur de la foi, lorsqu'ils adorent leur seigneur, eh ben ils le font pas avec paresse. Et le fait d'adorer Allah, ce n'est pas quelque chose de lourd pour eux. Ceux qui adorent Allah, Jalla wa Ala, avec eux, lorsque cette adoration est lourde, lorsqu'ils le font vraiment avec paresse, et que cela est lourd pour eux, comme s'ils portent un lourd fardon, ça c'est des mauvais signes. Ça c'est les signes des hypocrites. Il faut faire très attention, il faut être prudent sur ça. Il faut arriver à un moment à être l'insan yataladhdhud. Lorsqu'il invoque Allah, il en est heureux, il a de la joie, et cela lui fait plaisir. Donc il est dans un état de plaisir d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il dit, comme le fait par exemple, il va donner l'exemple, ça arrive par exemple que deux amis, lorsque une personne, il a un ami qu'il aime bien, un ami qu'il apprécie, un ami qui est un bien-aimé pour lui, alors il aime être avec lui, il aime être en sa compagnie. Et c'est pour cela qu'il aime s'étaler dans les discussions. Donc on voit que parfois, lorsqu'il y a deux personnes qui s'apprécient, qui s'aiment bien, deux amis, c'est naturel, et ben souvent ils s'étalent dans les conversations. Soit des hommes ou bien des femmes. Ils aiment bien s'étaler dans les conversations. C'est pour ça, Chir ici, il donne l'exemple. Il dit, tu vas trouver l'un d'entre eux. Parfois, il est assis avec son ami. Il l'apprécie, il aime. Alors, parfois, il discute, il s'étale dans les conversations. Il se lève, il le raccompagne même chez lui. Et ensuite, la discussion peut terminer même devant chez lui. Et ça peut durer parfois toute la nuit. Pourquoi? Parce que c'est son ami, il l'apprécie, il aime bien. Et donc, il aime s'étaler avec lui dans les discussions. Alors, il dit, ces gens-là qui s'apprécient, qui s'aiment bien, parfois ils peuvent passer des heures, tant des sa'at, tawila, ka'annaha daqaiq. Ils discutent pendant des heures, ils peuvent discuter pendant des heures et s'étaler dans ces discussions-là, wa ka'annaha, comme si ce n'était que quelques minutes, il dit. Et ils parlent, et ils discutent, et en même temps, ils marchent doucement, ruwaydan, ruwaydan. فَإِذَا وَصَلَ إِلَى بَيْتِهِ انْقَلَبَ وَهَكَذَا. Donc de ce fait, c'est pour ça que lorsqu'un individu apprécie une autre personne, il aime une autre personne, il a un ami, ils aiment discuter ensemble. Donc quel est le cas lorsque la personne, il aime son seigneur, et donc là il invoque son seigneur, il y a une sorte de munaja, ce qu'on appelle une sorte de conversation confidentielle, il s'adresse à son seigneur, il lui demande des choses, il l'implore. Alors là, de ce fait, celui qui aime invoquer son Seigneur et être en état d'adoration, alors lui, il va s'étaler dans les demandes et dans sa manière de demander. Ça, c'est la première raison que souligne Ibn Uthaymeen. Deuxième raison, pourquoi il est bon de s'étaler, de s'approfondir dans la demande, comme l'a fait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. La deuxième raison, anna du'a ibada. Tout simplement parce que l'invocation, c'est une adoration. Wa kullama qarrart. Izdadat lillahi ta'abbudan fayazdadu ajruka bizdiyadi jumalid du'a. Regardez ce qu'il dit, c'est très pertinent. Il dit, du fait que l'invocation, c'est l'adoration. Comme il est, et ça c'est stipulé même dans un hadith du prophète, ensemble, où le prophète stipule que l'adoration, l'invocation plutôt, c'est l'adoration. Donc là, kullama, à chaque fois que tu vas répéter cette invocation, ou les termes dans la vocation, tu es en adoration. Donc, izdatta lillahi ta'abbudan. Donc, en quelque sorte, le fait que tu répètes, le fait que tu t'étales, eh ben, toute cette période-là, pendant ce prolongement, tu es en adoration d'Allah, Jalla wa Ala. Donc, de ce fait, il dit, fayazdadu ajruka bizdiyadi jumalid du'a. Donc, de ce fait, ta récompense va s'accroître. Et donc, tu auras un rajout de récompense. Plus ça dure, plus tu seras récompensé. Donc ça, c'est la deuxième raison. Le fait que lorsqu'on est en invocation, il est bon, il est méritoire de s'étaler, de s'approfondir. Et troisièmement, il dit « Anna al-basta wa al-tafsila yujibu al-tadabbur » يوجب تدبر الإنسان كل هذه الأنواع التي بسطها وفصلها وبينها واستحضار الإنسان لذنوبه تفصيلا أكمل في التوبة واستحضار الإنسان لذنوبه تفصيلا أكمل في التوبة لأن التوبة المجملة لا تستوعب جميع الذنوب استحضاره وإن كانت تستوجب جميع الذنوب لفظا ومدلولا لكن استحضارا لا رأيت إذا قلت اللهم اغفر لي ذنبي كله وأنت فعلت ذنوبا قد تكون أكبر مما يتصوره وأنت فعلت ذنوبا قد تكون أكبر مما يتصوره الآن لكن غابت على بالك فإذا كررت وفصلت كان هذا أبلغ في التوبة. Là c'est très pertinent, c'est le troisième point. Il dit le troisième point, donc le troisième raison plutôt. Le fait de s'étendre, de s'étaler dans la demande et dans la vocation. Comme l'a fait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, il dit, le fait de détailler sa demande, ça va impliquer ce qu'on appelle « at-tadabbur ». « At-tadabbur », c'est la méditation, la réflexion. Donc, la personne, il va méditer sur ses demandes, sur ce qu'il dit. Donc, de ce fait, يوجب تدبر الإنسان كل هذه الأنواع التي بسطها وفصلها وبينها. C'est-à-dire toutes ces demandes qu'il est en train de détailler, toutes ces demandes qu'il est en train de clarifier, ça va impliquer la méditation. واستحضار الإنسان لذنوبه تفصيلا أكمل في التوبة. Et le fait que la personne se remémore ses péchés d'une manière détaillée, lorsqu'il demande le pardon, lorsqu'il est en train de se repentir, eh ben ça rajoute de la valeur, hein. Et de la grandeur à se repentir. Pourquoi ? Parce qu'il dit, le repenti fait d'une manière globale et générale, hein, lorsqu'on se repentit d'une manière générale, la testa'ib jamia adhunub istihdara. Donc ça sous-entend pas, ici lorsque on se repentit d'une manière générale, ça va pas englober tous les péchés d'une manière détaillée, comme si on se les ait remémorés, on s'en rappelle et on détaille. Et on détaille ensuite. وإن كانت تستوجب جميع الذنوب لفظا ومدلولا لكن استحضارا لا. Et regardez, Cheikh, il fait bien là une précision et la distinction. Il dit même si on le fait d'une manière globale et générale en disant « Oh Seigneur, je me repentis vers toi, je te demande le pardon de mon péché », même si d'une manière لفظا, comme on dit en arabe, au sujet de l'énoncé, de comment ça a été prononcé et de ce que cela indique, même si cela englobe, comme on l'a dit précédemment, ça va englober le pluriel, les péchés, mais par contre, ça ne nous remémore pas l'ensemble de nos péchés. Donc Shir, il fait la distinction entre l'indication liée à l'énoncé et le prononcé et la remémoration. Le fait de se rappeler. Regardez, on a dit, si on demande le pardon du péché d'une manière singulière, ça peut, dans la langue arabe, ça peut sous-entendre le pluriel. Donc, lorsqu'on demande le pardon d'une faute, de manière singulière, ça peut sous-entendre le pardon de faute et de péché au pluriel. Mais ça, elle dit, c'est selon l'énoncé et l'indication de ce qu'on prononce. Mais cela ne sous-entend pas forcément qu'on s'est remémoré tous ses péchés. Qu'on se rappelle de tous ses péchés. Dans ce cas-là, c'est pour cela, il dit, رأيت إذا قلت اللهم اغفر لي ذنبي كله. Il dit, vois-tu si par exemple, une personne, il dit, oh Seigneur, pardonne-moi mes péchés, tous mes péchés. Vous avez vu dans la langue arabe, comment Shir le prononce et l'indique, regardez, on peut utiliser le péché au singulier. Et ensuite dire kullahu. Allahumma ghfir li dhanbi kullahu. Allahumma ghfir li dhanbi kullahu dhanbi. Et on pourrait le traduire en français. Ô Seigneur, pardonne-moi tous mes péchés. Malgré que le dhanbi a été cité au singulier. Vous avez vu ce que souligne ici et précise l'auteur du commentaire. Mais il dit, wa anta fa'alta dhunuban, alors que tu as fait de nombreux péchés. Donc toi, tu vas le citer d'une manière générale. Oh Allah, pardonne-moi mon péché, d'une manière générale, alors que tu as fait différents péchés. Alors, certains péchés, tu vas pas forcément te les rappeler et te les remémorer. قَدْ تَكُنْ أَكْبَرْ مِمَّا يَتَصَوَّرُ. Et peut-être tu as fait des fautes et des péchés plus que tu pourrais te l'imaginer, il dit. Donc peut-être tu as commis des fautes, tu as commis des péchés plus que tu pourrais te l'imaginer en réalité. لَكِنْ رَبَتْ عَنْ بَالِكْ. Des fautes que parfois tu as oubliées ou qui te sont sorties de l'esprit. Par contre, si tu répètes, si tu détailles, si tu t'étales, tu t'approfondis dans ta demande, alors là, tu peux te remémorer, te rappeler tes fautes. Et regardez, c'est pertinent parce que lui, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a mentionné aussi bien les fautes passées que futures, aussi bien les fautes faites en public ou bien cachées. Et là, c'est très pertinent. Donc, vous avez vu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comment il s'est approfondi, comment il a détaillé cela, son invocation. Et ça faisait partie de son éloquence. Et là, on a vu que Cheikh Ibn Uthaymeen, l'auteur du commentaire, a bien insisté sur cela, sur cette demande de pardon du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, et on se rend compte vraiment de l'importance du demande de pardon, l'importance de ce qu'on appelle talab al-maghfira. C'est ce qu'on appelle l'istighfar aussi. Le fait d'implorer Allah Jalla wa'ala qui nous pardonne nos péchés. Et d'ailleurs, Allah Jalla wa'ala a envoyé des prophètes et des messagers. Des prophètes et des messagers pour enseigner au peuple, pour enseigner aux gens comment demander le pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Et leur ordonner d'implorer le pardon. Et d'implorer l'absolution de leur faute. Et c'est bien pour cela que c'est Allah Jalla wa'ala, il a envoyé des prophètes et des messagers. Pourquoi? Parce que cette da'wa, cette prédication de tous les prophètes et des messagers, des envoyés d'Allah, et à la base, ce n'est qu'une prédication, c'est le même message. Tous les prophètes, hein, depuis Adam, alayhi salam, jusqu'au dernier des messagers, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est le sceau de la prophétie, la nabiya barda, il n'y aura pas de prophète après lui. Tout leur message, c'était un seul et même message. Appeler les gens à l'unicité d'Allah, au tawhid. Au tawhid d'Allah, Jalla wa'ala, à revenir à l'adoration d'un Seigneur unique. Et leur da'wa, cette prédication-là, à tous ces prophètes et ses envoyés, à ces messagers, était bâtie, hein, elle était fondée sur ça. Et dans ça, il y a la demande de pardon, al-istighfar. Al-istighfar fait partie des fondamentaux de cet appel et de cette prédication. Les prophètes, Allah, Jalla wa'ala, les a envoyés pour appeler les peuples et les gens, hein, à revenir à Allah, Jalla wa'ala, à revenir vers Allah et à se repentir et de demander et d'implorer le pardon. Donc ça fait partie des plus grandes adorations, le fait de demander le pardon. Et c'est ça que le serviteur recherche à travers son adoration d'Allah, qu'Allah, Jalla wa'ala, lui pardonne ses fautes. Regardez comme on a dit, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans cette invocation, regardez les éloges qu'il a fait d'Allah, Jalla wa'ala, regardez les louanges. Regardez comment Allah Jalla wa'ala a vanté les mérites de son Seigneur, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vanté les mérites de son Seigneur en disant tu es le Seigneur des cieux et de la terre, tu es celui qui illumine la lumière des cieux et de la terre. Ensuite, il lui a dit ta parole est vérité, ta promesse est vérité, ta rencontre est vérité, le paradis est vérité, l'enfer est vérité. Vous savez, tout cela, l'heure est vérité. Tout ce qu'a mentionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander. Ensuite, une chose, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lui demander? Il va lui demander le pardon. Toute cette invocation. Et c'est pour cela que l'auteur du commentaire, Cheikh Ibn Uthaymeen, a bien insisté sur ce fait. Et ça dénote vraiment ahamiyat talab al-maghfira wa al-istighfar. Ça dénote vraiment l'importance, hein, et le haut rang parmi les adorations de la demande de pardon. La demande de pardon ici. Regardez le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, on a vu le passage où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Et c'est pour toi, Allah, Jalla wa'ala, que je me fais adversaire. » Le prophète, parmi les demandes, il aurait pu se plaindre à Allah, Jalla wa'ala, de cette adversité, de ces malheurs qu'il vit, de cet antagonisme, de cette animosité qu'il vit par rapport à son peuple. Donc le prophète aurait pu faire de nombreuses demandes à Allah, Jalla wa'ala, surtout après cette grande éloge qu'il a fait de son Seigneur. Mais regardez ce qu'il demande. Première chose qu'il demande, ce qui était important, regardez, la demande de pardon. Et Il ne l'a pas fait de n'importe quelle manière. C'est pour ça que j'ai bien insisté sur l'analyse grammaticale au niveau de la linguistique arabe, au niveau de la langue arabe ici, qu'a fait l'auteur du commentaire. Pourquoi? Pour bien qu'on se rende compte de cette demande du prophète. Le prophète qui est celui qu'Allah Jalla Wala a choisi pour transmettre sa révélation, c'est lui dont Allah Jalla Wala a pardonné les péchés passés et futurs. Mais malgré cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande à Allah, oh Allah, pardonne-moi mes fautes, mes péchés, qu'ils soient passés, futurs, cachés, ou fait en public, alors, au Seigneur, pardonne les mois. Et surtout en mois du Ramadan. Surtout en mois du Ramadan. Pourquoi? Parce que le mois du Ramadan, c'est le mois du pardon. Et c'est le mois où que les gens se voient pardonner. Et c'est un mois où celui qui se fait pas pardonner ses fautes, on a des récits où le prophète, alayhi salatu wassalam, blâme celui qui se fait pas pardonner ses fautes pendant le mois du Ramadan. Donc c'est un mois, justement, c'est un mois où il faut s'efforcer de multiplier la demande de pardon, de multiplier ce qu'on appelle l'istighfar, l'imploration, l'absolution de ses fautes. C'est un mois où il y a des affranchis de l'enfer. C'est un mois où qu'on peut se faire pardonner les fautes. Donc, celui, par exemple, qui a été malfaisant toute l'année, celui, par exemple, qui a eu des fautes et personne n'est à l'abri d'avoir des péchés, d'avoir des fautes. Personne n'est à l'abri. Alors c'est le moment de se faire pardonner ses fautes, c'est le moment de se faire pardonner ses péchés. Si la personne ne saisit pas ce mois-là béni, il saisit pas le mois du Ramadan pour revenir sur cela, pour se faire pardonner, pour multiplier l'istighfar, quand est-ce qu'il va le faire? Quand est-ce qu'il va le faire? Si on n'arrive pas à le faire, si on est privé de le faire pendant le mois du Ramadan, alors quand est-ce qu'il va essayer de se faire pardonner? Quand est-ce qu'il va s'efforcer de multiplier les demandes de pardon? C'est pour ça qu'il ne faut pas être avare envers soi-même. C'est un mois où il faut multiplier la demande de pardon. Et d'ailleurs, que ce soit au mois du Ramadan ou non, il y a un moment de la nuit, il y a un moment à la fin, les dernières heures de la nuit, c'est un moment d'istighfar. C'est un moment de istighfar. Mais aussi, c'est tout le long de l'année. Mais donc, aussi pendant le Ramadan, il est bon. Donc pendant les dernières heures de la nuit, il est bon d'implorer le pardon. D'implorer le pardon. Et beaucoup de gens, par exemple, qui jeûnent, omettent cela. Omettent cela. Et c'est pour ça que les savants disent même que c'est une sunna du prophète, sallam, que dans les dernières heures de la nuit, ce qu'on appelle as-sahar. As-sahar. Vous avez vu, lorsque c'est le temps du sahur, lorsque vous prenez le repas avant le lever de l'aube, ce qu'on appelle le sahur, pendant cette heure-là, on appelle ça les derniers moments, les dernières heures de la nuit. Et bien, à ce moment-là, il est bon de faire l'istighfar, de demander le pardon. Il est bon. Et que ce soit pendant le Ramadan ou même toute l'année. Et donc, c'est pour ça que certains savants insistent bien sur cela. Et le fait que les gens se lèvent pour le sahur, il faut pas négliger cela. Et beaucoup de savants disent que beaucoup de gens négligent cela. La preuve à cela, c'est qu'Allah, Jalla Wala, il fait l'éloge. Il fait l'éloge de ceux qui demandent le pardon dans les dernières heures de la nuit. Lorsqu'Allah dit dans le verset, wal mustaghfirina bil ashar. Donc dans le verset, Allah dit, wal mustaghfirina bil ashar. Donc il mentionne, il dit, et ceux qui demandent le pardon dans les dernières heures de la nuit. Donc vous avez vu, al-ashar, c'est le pluriel de as-sahar. Et donc Allah fait l'éloge de ceux qui demandent le pardon. Il parle de l'mustaghfirin. L'mustaghfirin, c'est ceux qui demandent, qui font l'istighfar. Et on a un autre verset où Allah dit « Wabil asharihum yastaghfirun » et aux dernières heures de la nuit, ils implorent le pardon. Ils imploraient le pardon. Vous avez vu, on a un deuxième verset. Donc on a deux versets où Allah Jalla Wa'ala nous parle de ceux qui demandent le pardon pendant les dernières heures de la nuit, pendant ce qu'on appelle plus précisément as-sahar. Donc c'est pour ça que ça, c'est légiféré, le fait d'utiliser les dernières heures de la nuit pour implorer le pardon. C'est pour ça qu'il est rapporté de Al-Hassan al-Basri qui disait « Ils ont prié la nuit et lorsqu'ils arrivèrent au moment du sahar, ils demandèrent pardon à leur Seigneur. » Ils demandèrent pardon à leur Seigneur. Donc regardez ça, c'était la parole de Al-Hassan al-Basri qui, en quelque sorte, cette parole explique le sens du verset. Ils ont prié la nuit et lorsqu'ils arrivèrent au moment du sahar, ils demandèrent le pardon à leur Seigneur. C'est pour cela que certains savants considèrent que c'est même une sunna de demander le pardon à ce moment-là bien précis de la nuit. Et de ce fait, Cheikh Ben Baz, rahimahullah, Cheikh Abdelaziz Ben Baz, rahimahullah, qu'Allah lui accorde sa miséricorde, a été interrogé sur cela, il a confirmé cela. Il a répondu par l'affirmative. Et d'autres savants aussi ont affirmé le caractère légiféré, que cela fait partie des sunan. Par contre, cela ne nécessite pas forcément, n'implique pas forcément qu'il y ait un doa spécial lorsqu'on fait as-sahur. Il faut pas confondre. Ça ne veut pas dire qu'il y a un doa, une invocation spéciale lorsqu'on fait le sahur, on prend le repas de la nuit. Mais les savants disent que ce soit pendant le ramadan ou hors ramadan, il est bon, en dernières heures de la nuit, de demander le pardon, de faire al-istighfar. Il faut pas confondre avec le fait que lorsqu'on prend le repas, de qu'il y ait une invocation spéciale à dire. Ce n'est pas ça le sens de cela, mais que dernières heures de la nuit, il est bon de demander le pardon à Allah Jalla wa'ala, et que cela fait partie des sunan. Et c'est mentionné aussi dans le Coran, comme on l'a dit précédemment. En l'occurrence, à savoir pendant le ramadan, tout est bénéfique. Pourquoi? Parce que les actions sont mudha'afah, sont multipliées, les récompenses et la rétribution est multipliée pendant le mois du ramadan, puisque c'est un mois qui est béni. Les actions ne sont pas semblables, beaucoup d'actions ne sont pas semblables pendant le ramadan et pendant un autre mois. Regardez par exemple, celui qui fait une umrah pendant le ramadan, vous avez vu la récompense immense de la umrah qui est faite pendant le ramadan et qui est faite hors ramadan. Donc pendant le ramadan, il y a une récompense qui est immense et qui est spécifique. Pourquoi? Parce que les actions, il y a le mudha'afa, c'est un mois qui est, comme on dit, spécial. C'est un mois vraiment où il y a des particularités. Et c'est un mois qui a al-baraka, il y a la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'il est bon de multiplier, par exemple, les aumônes, il est bon de multiplier les adorations, il est bon de multiplier les prières, il est bon, par exemple, pour les années où que on avait la capacité, il est bon de faire al-umrah, comme on l'a dit précédemment, un petit pèlerinage. Il est bon d'invoquer Allah, Jalla wa'ala, et c'est le moment d'invoquer le pardon pour ses péchés. C'est le moment de faire ce qu'on appelle al-istighfar et la demande de pardon. Et remarquez justement, il y a un hadith justement très important du prophète sallam qui est en relation avec cela, la demande de pardon pendant ce mois béni et le mois du ramadan, le fait d'œuvrer pour se faire pardonner ses fautes. Regardez, on a un hadith qui est célèbre, c'est un hadith d'Abu Huraira, où dans ce célèbre hadith, il est dit, vous avez vu, lorsque le prophète sallam montait sur le minbar, il montait sur sa chair pour faire le serment du vendredi, et il était donc en compagnie, il y avait des compagnons, et à chaque fois que le prophète sallam montait sur une marche, le prophète sallam disait « Amin ». Ensuite, il arrive à la deuxième marche, le prophète sallam disait « Amin ». Et le prophète sallam a dit « Amin » trois fois. Donc trois fois le prophète sallam a dit « Amin, Amin, Amin ». Alors là, lorsque le prophète sallam a fini, il fut interrogé sur cela. Et le prophète, lorsqu'il a expliqué cela, le pourquoi, puisqu'ils ont interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu es monté sur le minbar et tu disais Amin, tu as dit cela trois fois. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué que lorsqu'il montait sur le minbar, l'ange Jibril alayhi salam est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les choses, donc Jibril va faire trois invocations. Regardez. Trois invocations. Et parmi les invocations, Jibril va dire, celui qui atteint le ramadan et ne lui est pas pardonné et rentre dans le feu, qu'Allah l'éloigne. Qu'Allah l'éloigne. Et Jibril dit au prophète, dit Amin. Alors le prophète a dit, j'ai dit Amin. Et ensuite, le prophète va mentionner deux autres choses. Celui, par exemple, qui atteint ses deux parents et l'un d'eux et ne se comporte pas bien avec eux, puis meurt et rentre dans le feu, qu'Allah l'éloigne. Qu'Allah l'éloigne. Et Jibril dit au prophète, dis Amin. Alors le prophète a dit Amin. Et ensuite, parmi les trois aussi, celui qui auprès de qui tu as été mentionné, c'est-à-dire que le prophète est mentionné, et il ne prie pas sur toi et meurt dans cet état, alors qu'Allah l'éloigne. Il dit au prophète, dis Amin. Et le prophète dit Amin, c'est-à-dire celui dont le prophète ensemble est mentionné, il ne dit pas sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, ou il ne dit pas sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, il ne prie pas sur le prophète, que les prières et la paix soient sur le messager d'Allah. Donc vous avez vu ces trois choses. Regardez parmi ces trois choses, qu'est-ce qu'il est dit? Que Jibril a fait l'invocation, c'est une invocation de l'ange. Celui qui atteint le ramadan et ne lui est pas pardonné et rentre dans le feu, qu'Allah l'éloigne. Et regardez, c'est ça l'élément illustrant, c'est ça que cette partie du récit qu'on se rappelle. Donc là, ce n'est pas l'invocation de n'importe qui. Si on observe bien le récit, et ce récit était authentifié par de grands savants spécialistes dans le domaine, en l'occurrence, c'est Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Et donc, c'est Jibril, pas n'importe qui, un ange rapproché d'Allah, subhanahu wa ta'ala, l'un des plus rapprochés d'Allah, l'ange le plus proche d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui invoque. Et en compagnie de l'élu d'Allah, du choisi, le meilleur des messagers et des prophètes, la meilleure des créatures, le prophète Mohammed, c'est-à-dire cette invocation, elle a eu At-Ta'min. Elle a eu le amin du prophète, donc c'est une invocation qui est faite de Jibril, alayhissalam, l'ange rapproché d'Allah. Il y a le ta'amin qui est fait auprès du prophète, avec le amin du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, au sujet d'une personne qui, au mois du ramadan, il est vivant et ne se fait pas pardonner pendant ce mois du ramadan. Et certains savants ont expliqué comment ne pas se faire pardonner pendant le mois du ramadan. Vous avez vu, ce récit est exhortant. Et c'est un récit qui fait vraiment un rappel, puisque le prophète a dit Amin, et Jibril disait au prophète, dis Amin. Et que cette doa, c'est-à-dire qu'il soit éloigné, qu'Allah l'éloigne, celui qui est vivant pour le ramadan, il atteint le ramadan, il ne se fait pas pardonner pour ce ramadan, et il rentre dans le feu, alors qu'Allah l'éloigne. Regardez ce doa de Jibril, il dit qu'Allah l'éloigne, et dit au prophète, dis Amin. Et certains savants ont expliqué comment est-ce qu'une personne, par exemple, ne se ferait pas pardonner pendant le mois du ramadan. Certains savants ont expliqué dans le sens, ils ne recherchent pas à se faire pardonner. Ils ne désirent pas cela. Ils ne convoitent pas forcément cela. Il n'a pas fait des efforts pour cela. Il n'a pas mobilisé tout son corps pour cela. Vous avez vu l'importance, c'est le mois du pardon. C'est pour ça, regardez, Jibril, dans ce hadith, c'est vraiment un hadith et c'est un dua vraiment qui rappelle, qui nous remémore l'importance de se faire pardonner pendant ce mois du ramadan. C'est pour ça qu'il faut convoiter ça, il faut désirer cela, il faut mobiliser tout son corps pour la demande de pardon. Vous avez vu tout à l'heure, lorsqu'on a parlé de le fait de détailler la demande, lorsqu'on demande le pardon, le fait de détailler, demander qu'Allah Jalla nous pardonne toutes nos fautes. Et ça rappelle un pieux prédécesseur, parmi les premières générations, c'était une personne qui était connue pour se faire de nombreuses autocritiques. Il se faisait de nombreuses autocritiques. Et un jour, il s'est autocritiqué, il a fait son examen de conscience, et sur ses péchés. Alors il a commencé à réfléchir sur ses péchés, et à réfléchir sur son âge. Et cet homme, il a rapporté dans l'histoire qu'il avait plus de 60 ans, 63 ans. Et donc il a commencé à réfléchir sur les jours. Sur 63 années, combien il y a de jours. Donc ensuite, il s'est dit, si j'ai commis ne serait-ce qu'un péché, pour un jour, dans un jour. Donc chaque jour, il y a un péché. Il a commencé à compter les jours qu'il y avait. Donc, je me rappelle plus exactement, en faisant le calcul, je crois que ça donne un peu plus de 25 500, comme ça, à peu près. Pour ceux qui veulent refaire le calcul, plus de 25 500 jours. Donc il dit, et là, il a dit, oh, malheur à moi. Il s'est remémoré cela, il a dit, malheur à moi, si je rencontre Allah avec plus de 25 500 péchés, avec plus des milliers de péchés. Regardez ça, c'est pour celui qui considère un péché par jour. Il va rencontrer Allah avec plus de 20 000, avec ses milliers de péchés. Regardez comment il s'est fait son examen de conscience. Et là, ils disent dans l'histoire qu'il s'est mis à pleurer. Et il pleurait, il disait, malheur à moi si je rencontre Allah avec tous ses péchés, ses milliers de péchés. Certains qui ont annoté à cette histoire, ils ont dit, mais quel est le cas lorsqu'on commet des dizaines, voire des centaines de péchés par jour? Pourquoi? Parce que les fautes, ça se commet très vite. Les fautes, les péchés, on peut commettre vite en écoutant une chose qu'il ne faut pas écouter, en regardant quelque chose qui ne convenait pas. Pourquoi? Parce que il y a ce qu'on appelle la fornication des yeux, la fornication des oreilles, etc. Donc, en parlant, on commet énormément de péchés avec la langue. Lorsqu'on parle sur des gens derrière leur dos, lorsqu'on critique de manière injuste, lorsque on calomnie, lorsqu'on fait la médisance, lorsqu'on ment, lorsqu'on profère des paroles sans utilité, ou dans ces paroles il y a du mensonge, il y a la critique des autres, la médisance, de la calomnie, etc. Donc chaque jour l'individu commet des péchés. Quel est le cas de celui qui, par exemple, par jour il a des dizaines, des centaines de péchés? Donc ensuite il rencontrera avec des montagnes de péchés. Donc lui, il a besoin de l'istighfar. Il a besoin qu'Allah Jalla Wala lui pardonne. Il a besoin de se faire pardonner. Et Pour revenir aussi au fait de le fait d'étaler, de s'étendre dans les invocations, il est rapporté des pieux prédécesseurs que lorsqu'ils adoraient Allah, ils disaient lorsqu'ils s'habituaient par exemple à prier la nuit, ils disaient les premières années, ils s'habituaient, ils s'efforçaient. Et jusqu'à qu'au bout de certaines années, c'est là qu'ils ont trouvé ce qu'on appelle « taladhud ». C'est là qu'ils ont trouvé le plaisir. Et ensuite, la personne, il va plus se lever avec paresse, il va plus trouver ses adorations lourdes, mais il va tellement goûter à la halawat al-iman, à la douceur de la foi, qu'il va trouver cela bien, il va trouver du plaisir en adorant Allah subhanahu wa ta'ala. Et il ne va plus se lever avec paresse, il va plus trouver de la lourdeur dans cela. Et donc ça, c'est important de se remémorer l'état et la situation des pieux prédécesseurs. C'est pour cela que le pardon en ce mois, c'est un mois de pardon. Il est important de se le remémorer. Il est important de rechercher ce pardon-là pour pas faire partie de ceux dont Jibril a dit, alors qu'ils sont vivants pour le mois du Ramadan, ils vont pas se faire pardonner en ce mois. On a même un autre hadith du prophète Sam qui va dans le même sens lorsque le prophète Sam dit, Rahima anful mu'min, ou imri'in, Rahima anful mri'in, et là, ça vraiment, ça dénote, il dit, c'est comme si la traduction littérale, que soit, ou plutôt du sens, que soit humilié celui qui jeûne, qui est vivant pour le mois du Ramadan, il ne se fait pas pardonner pendant ce mois. Il ne se fait pas pardonner. Et pourquoi on dit la traduction du sens, c'est qu'il soit humilié? Pourquoi? Parce que littéralement, en réalité, c'est dans le sens que la personne qu'il tombe sur la terre, c'est-à-dire il a le visage, comme si une personne qui serait tombée sur la terre, il a le visage sur la terre et il a cette terre qui est en contact avec son nez. Et la terre qui est en contact avec son nez. Et ça, c'est un signe d'humiliation et d'humilité, de rabaissement. C'est un signe de rabaissement. Et ben, c'est comme si que celui qui, pendant le mois du Ramadan, il ne s'est pas fait pardonner, c'est un signe de rabaissement. Un signe de rabaissement. Celui qui, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est évoqué, on dit pas sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme si c'est un signe de rabaissement. Celui qui respecte pas ses parents, qui a pas été bienfaisant et bienveillant envers ses parents, c'est comme si c'est rabaissant. C'est comme si c'est une humiliation de pas avoir été bon avec ses pères et mères, avec ses parents. Celui qui a été ingrat, celui qui était malfaisant, celui qui a pas été bienveillant, celui qui a pas été bon avec ses parents, avec son père, avec sa mère pendant que ses parents étaient vivants. Celui qui n'a pas été comme ça, qui s'est pas comporté bien avec ses parents, qui n'a pas essayé d'être reconnaissant avec ses parents, c'est comme si c'est rabaissant. C'est quelque chose d'humiliant d'avoir agi ainsi, d'avoir été malveillant envers ses parents, c'est comme si que c'est humiliant. Regardez le terme littéral, c'est que dans un hadith, le prophète a dit, c'est comme si que la personne, il dit qu'il tombe sur la terre et son visage est en contact avec la terre. C'est pour ça que certains l'ont traduit, qu'il soit humilié. Mais littéralement, c'est celui dont son nez est en contact avec la terre alors que sa tête est par terre. Alors que sa tête est par terre, en signe de rabaissement. Pour celui qui est par exemple, qui est malveillant envers ses parents, c'est un signe de rabaissement. Et ben, de même, celui qui, par exemple, pendant le mois du Ramadan, ne se voit pas pardonner ses fautes, c'est un signe de rabaissement. Donc voilà, en ce qui concerne la demande de pardon, on s'est fait un rappel sur ça du fait que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on est arrivé au moment où l'invocation, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, demande le pardon. Et là, Cheikh Al-Uthaymeen conclut cette partie-là. Donc on a conclu, on termine avec cela, cette invocation, en disant « Wa yustafan min hada al-hadith ulum martabati an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fi al-ibadati haythu athna ala rabbihi hada al-thana al-azim bihada al-tafsil al-azim ma'a annahu sallallahu alayhi wa sallam qad ghafara Allahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. » Gardez « ma'a annahu sallallahu alayhi wa sallam qad ghafara Allahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. » فيستفاد من هذا الحديث علو مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة. Et pour terminer, Cheikh dit, dans ce hadith, dans cette invocation, on déduit quoi? On déduit vraiment le haut rang du prophète et les hauts degrés du prophète صلى الله عليه وسلم dans l'adoration, sa ferveur dans l'adoration d'Allah. حيث أثنى, cette manière d'avoir fait l'éloge d'Allah, d'avoir complimenté Allah, cette manière d'avoir fait les louanges d'Allah, c'était une manière vraiment immense et énorme. لذلك يقول حيث أثنى على ربه هذا الثناء العظيم بهذا التفصيل العظيم. Avec ces détails, hein, comment le prophète Sam s'est vraiment approfondi dans la demande et comment il a détaillé sa demande. بهذا التفصيل العظيم عن النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم. Alors que le prophète Sam, Allah lui a pardonné ses péchés passés et futurs. comme il nous est mentionné dans le Coran et dans la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Et dans ce fait, on a fini l'explication de ce hadith. Walillahi alhamd. والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ينقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إني أصلي اللهم صلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم صلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين